Pain is in the building. Bienvenue. Week one in the books. C'était intéressant. Là, je me suis un petit peu blasté, mais en tout cas, je vais revenir à ça tantôt. Moi, j'étais en Nouvelle-Orléans. J'ai eu droit à un drôle de show. Ben, c'était du Vintage Saints. Je pensais que les problèmes de défense étaient réglés. Ça m'apprendra à être optimiste. Les quarters pouvaient pas garder un receiver, Jackson, Evans. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Fitzpatrick pouvait courir. Écoute, en plus, ils ont failli revenir à la fin, mais c'est 3rd and 10, puis Fitzpatrick a couru pour le first down. Après ça, ils ont kneel down. En tout cas, l'over-under, c'était 48, je pense, puis les Bucks ont scoré 48 à eux tout seuls. Fait que c'est certainement divertissant, mais ouais. Je m'attendais pas à ça, là. Mais, fait que, c'est ça. Les Saints ont perdu. J'étais au dôme. Il y avait de l'ambiance. Mais c'est comme un punch à mâchoire. C'était un peu down le reste de la journée. Surtout quand je... Moi et Moïse, on était un peu down, là. Les Saints avaient perdu. On était en train de perdre notre fantasy. C'était pas un super dimanche, et j'appelle ça les pires dimanches, les dimanches quand t'es 0-2, quand ton équipe préférée perd, puis que ton équipe de fantasy perd. Tu files pas trop bien, là, mais bon, c'est juste week one. Sinon, j'ai eu du fun à Nouvelle-Orléans, là. Quand j'étais allé samedi voir LSU à Baton Rouge, j'étais le meilleur tailgating que j'ai jamais vu de loin, là. Puis j'étais à Buffalo, j'étais à Tuscaloosa, Alabama. Puis c'était du mauve partout. Le campus était vraiment beau pis propre. Le stade était cool. J'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est un petit peu compensé pour la défaite le lendemain, mais c'est sûr que ça aussi ça fait mal. Mais j'ai eu du fun, puis j'ai hâte de retourner à Nouvelle-Orléans, que ce soit l'année prochaine ou dans le futur. C'est la deuxième fois que j'y allais, tu sais, puis j'aime bien ça aller au Dôme. Pour mon équipe préférée. Ceci étant dit, ouais, un cool Sunday night. Aaron Rodgers qui revient. C'est pour ça que c'est mon meilleur QB dans la ligue, là. C'est pour ce qu'il peut faire ça. Puis hier Monday night, Darnold. Non, les Jets sont en business avec Darnold, puis les Raiders. Fun à regarder la première demi, deuxième demi, il a complètement perdu. Je sais pas, là, c'était ordinaire. Les Rams sont réveillés, puis le résultat final était pas vraiment surprenant. Mais pour revenir à la Ligue des Vidanges, c'est Vidange Cast. Ce qu'il faut. Après ça, c'est ma quatrième année que je fais du fantasy. Ce qu'il faut pas faire après week 1, c'est overreact. Il y a des gars qui ont des grosses semaines, il y a des gars qui ont des moins bonnes semaines. C'est des choses qui arrivent. Il n'y a jamais un gars qui va faire 30 points à chaque semaine. C'est jamais arrivé. Ça arrivera jamais. Donc, tu sais, puis il y a des gars qui, ouais, ils n'ont pas eu de touchdown, ils n'ont pas eu une grosse semaine. Mais, c'est ça, c'est la loi de la moyenne, là. Ça va revenir, ça va s'égaliser. Donc, surtout les nouveaux, là, que. Tu sais, droppez pas tous vos joueurs ou essayez pas de faire des gros échanges en partant. Attendez un petit peu, ben. Je vais break down chaque match-up de la semaine passée, puis je vais dire ceux que je pense sont dans le trouble ou ceux que je pense qui sont corrects. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais aller checker match-up. Mettons, premier match-up. Les Junkies contre Sex Robot, Vince contre Anctil. Les deux ont des bonnes semaines. Anctil, félicitations de gagner 10$. Je Je regarde la situation. Au QB, sont corrects. Rivers ne fera pas 30 points chaque semaine. Casey n'a pas de défense, mais c'est une bonne game par Rivers. Regarde du côté Evans, c'est running back. Johnson, ça fait peur un petit peu. Parce que l'attaque des Cards, ça pas l'air bon, là. Mais écoute, Johnson, il a un rôle établi. Donc, tu sais, son floor est quand même élevé. Mais je pense pas que c'est high, soit aussi high que les années d'avant quand Carson Palmer était là. Jordan Howard, il a pas une grosse semaine. Mais de ce que j'ai vu, il va être correct. D'ailleurs, j'ai des rumeurs que beaucoup de monde essaie d'échanger pour Jordan Howard. C'est sûr, moi aussi, je le targeterais. Je pense qu'ils vont avoir une excellente alignée. Il a même attrapé des passes qu'il faisait pas les années d'avant. Donc, Howard, je pense qu'il est en business. Baldwin, ouais, ça, c'est pour ça que je l'ai pas drafté. Ça a pas l'air d'aller bien. Il est blessé. Non. Michael Thomas, c'est un stud. Avoir Johnson, Howard puis Thomas, c'est un bon corps pour ton équipe. Je pense que même si Vince a perdu cette semaine-là, je suis vraiment pas inquiet pour lui. À Thailand, ouais, ça a peut-être un petit peu plus dur, là. Rudolph, un target. Même si c'est un touchdown, c'est inquiétant. Je sais pas si Jared Cook il va maintenir son pace de guerre. Puis dans son flex, ben Peterson, une grosse semaine. Fait que il va pouvoir swinguer Peterson. Ben, il n'y a pas grand chose d'autre dans son flex qu'il peut mettre. Mais. Ouais, Peyton Barber. Ouais, les Bucks run game, il est pas tant bon, là, mais. J'aime le core de l'équipe à Vince, je pense. Même s'il a perdu, je le fade pas, mais vraiment pas. L'équipe à Simon, tu sais, écoute. Je sais que t'es content, Simon. Camara fera pas 40 points à chaque semaine. Ok, ça c'est probablement sa meilleure semaine de l'année. Il a des très bonnes chances. Même affaire pour Rivers. Moi, je suis une équipe qui m'inquiète plus que l'équipe à Vincent. Même, écoute, je sais qu'ils ont gagné, là, c'est beau, là. Mais. Ça a l'air d'un comité à Denver avec le gars Lindsay, je ne connaissais pas. Lui, Freeman. Je pense pas que le coach Joseph veut avoir un workhorse. Fait qu'à moins qu'il y ait une blessure, moi, Royce Freeman, je suis inquiet. Fitzgerald, c'est chill. C'est Fitzgerald, il est toujours comme 10 points. Devante Adams, il va être bon aussi, écoute. Puis Gronk. C'est un gros avantage d'avoir à ton tight end spot. Je sais pas qui va mettre dans son flex. On va voir là. As Goodwin, ouais, il s'est blessé. Ouais. C'est ça, j'ai un problème avec le deuxième running back. Kamara, il va pas faire 40 points chaque semaine, comme je t'ai dit. Mais écoute, c'est beau là, Simon, t'as eu ta grosse semaine, c'est chill, t'es 1-0. C'est juste que tu mets les deux équipes un avant l'autre, je dirais que c'est pas mal égal. Ouais. Non. Non. Je sais pas ce que j'allais dire, mais en tout cas, c'est un match-up égal. Ça finit par être un blowout, mais comme je l'ai dit, Vincent, je serais pas inquiet de ton équipe. Les Junkies, je pense ils vont. Ils sont on n'est pas négligés. Los Poros contre Mofo. Ça, c'est deux équipes que je suis pas très high dessus en ce moment. Surtout, genre, Molo, les Pogos, ça, c'est temps de sonner l'alarme en tabarnak. Si Bell ne revient pas, ça va être dur. Miller il est constant, mais il y a jamais des semaines de 30 points, quelque chose de même, ça n'arrive pas. Tu sais, Alfred Morris, San Francisco, c'est un clusterfuck le backfield. Wilkins, t'sais, 7,5 points. T'as droppé Chris Thompson, je l'ai ramassé tout de suite, puis je l'ai pas starté, mais il a fait 22, 21 points, je pense. Fait que ça, c'était pas ton meilleur move. T'as encore le meilleur receiving corps, écoute, Beckham, Diggs, puis Hill, c'est excellent, mais t'as un gros problème de running back live, là. Idéalement, faudrait que tu ship pas Beckham, mais Diggs ou Hill pour un bon running back. C'est ça que je ferai à ta place. Parce que si Dev Bell revient pas, t'es dans la merde. Là, t'as presque gagné. Parce que Tyreek Hill a fait 32 points, 33. Tyreek Hill fera pas ça chaque semaine. Les autres équipes vont game plan pour lui. C'est probablement le. une des top 3 meilleures semaines que Tyreek Hill va avoir cette année. Là. Tu peux pas compter là-dessus de manière régulière. Pour ça que, en tout cas, je suis pas high sur Los Pogos en ce moment. Mofo, félicitations pour la victoire, Romain. Rodgers a contribué. Lui, week in, week out, il est solide. Lynch a un touchdown, mais je suis inquiet que les Raiders vont jouer beaucoup de l'arrière. Il y a Jane a eu deux touchdowns. Fait que c'était running back qu'on produit, mais c'est, ils vont pas nécessairement avoir des touchdowns à chaque semaine. Puis Ajayi, je veux dire, avant la demi, il y a eu deux carries pour le opener. Là. Fait que les running backs ont bien produit. 30 points à 2, c'est chill, mais j'étais inquiet pour les running backs. Golden Tate puis Julio, une grosse semaine. Julio, c'est correct. Golden Tate, on va voir. Moi, je voulais pas le drafter. Mais là, je suis un hold sur lui. Zach Ertz, c'est un mon tight end, ça va. Puis dans ton flex, je sais pas qui tu peux mettre là. Là pis, peut-être t'as Tyler Lockett, vu que Baldwin est blessé. T'as un problème de flex. Puis je trosse pas les running backs. Mais ceci étant dit, t'as les meilleurs running backs que Los Pogos. Puis c'est pour ça que t'as gagné, là, honnêtement. Ça c'est le premier, ça c'est mes c'est ce que je pense du premier match-up. Mofo a gagné par 9 points, c'était serré, mais Pogo ça en avait besoin de ce win-là. Si Bell revient pas là, il est un petit peu dans le trouble. Fait, en tout cas, troisième match-up, mes deux cousins jouent un contre l'autre, un du côté de mon père, un du côté de ma mère. C'est intéressant la dynamique quand les deux sont dans le pool, en tout cas. Flying Pelicans, ça c'est un low scoring, dans le fond 75 à 72, hein. C'est pas des grosses scènes pour les deux. Je regarde les Pelicans, Watson 11 points, mais il va en avoir des grosses semaines, whatever, faut que tu le start, t'as pas le choix. Gurley 22, to be expected, puis c'est un stud, il y a eu du passing work, je suis pas inquiet pour lui. Alex Collins, moi Alex Collins, ok, ma prédiction c'est qu'il allait travailler au Footlocker d'ici décembre. Il gagne comme 500 000, les Ravens se calissent de lui, là, il a 6 points, pis ça c'est parce qu'il y a eu un touchdown. Moi je trosse pas Alex Collins. Mike Evans, grosse semaine, n'arrive, ne se reproduira pas beaucoup. Il a dominé Marshawn Lattimore, là, mais. Les Bucks font pas 48 points à chaque semaine, ça j'essaie de le dire. Là. La défense des Saints était exceptionnellement mauvaise. Anyway, bonne semaine pour Evans, on va voir quand ça continue. Amari Cooper, ça commence à sonner comme un désastre cette affaire-là. Carr n'a presque pas regardé pantoute. Je sais pas s'il va se reprendre, mais je t'inquiète pour Amari Cooper. Même affaire pour Evan Engram. Il va avoir de la misère, 20-28 verges. Ça, c'est inquiétant aussi. Mais aussi pour Devonta Freeman, dans le fond, il a pas l'air d'être aussi utilisé qu'il était avant. J'ai de la misère à faire confiance. Puis je regarde le bench, il a ramassé Crowell. Non, il y avait déjà Crowell, il a ramassé Wentz. C'est Cohen, juste 5 points. Crowell, grosse semaine, mais je sais pas si il peut reproduire ça, vraiment, c'était quand même assez exceptionnel. Marvin Jones, 7,5 points. C'est plus Galladay, le deep threat, c'est plus Jones. Puis Kenny Stills, mais Kenny Stills n'aura pas deux touchdowns par semaine, ça je te garantis. T'as des. Simon, t'as comme des problèmes. T'as un très bon running back. T'as un bon QB, même s'il n'y a pas une grosse semaine. Puis Evans, il va faire la job. Mais le reste est inquiétant. D'ailleurs, je viens de réaliser ça. J'avais fait mes power rankings. Peut-être que je t'ai mis trop haut. Parce que. Ton équipe, il y a des red flags, là. Puis je regarde Paris El Potato. Un petit peu dumpster fire aussi. T'sais, Andrew Luck, c'est chill. McCoy, son équipe est poche. Il n'y a pas de QB, il n'y a pas d'O-line. Ça va être dur d'avoir des grosses semaines. Kareem Hunt, il n'y a pas une grosse semaine. Puis j'aurais pu le drafter Kareem Hunt avec mon deuxième choix. J'ai pris McCaffrey à la place. Parce que moi, j'ai eu Kareem Hunt dans mon équipe l'an passé. Et c'était un désastre. Parce que je pouvais pas y faire confiance, je pouvais pas faire confiance à Andy Reid. Il mettait d'autres running backs à des moments pas rapport. Puis soit Kareem Hunt avait un long touchdown ou je me faisais fourrer. Pour ça, j'ai pas pris Kareem Hunt et j'ai pris McCaffrey à la place en draft. Et Ils ont mis plusieurs running backs à Kansas City, puis moi, je ne trosse pas la situation. Donc, Emilien, tu as un problème de running back. Antonio Brown, c'est bon. Mais Antonio Brown puis Juju, c'est un bon duo. Mais le fait qu'ils sont dans la même équipe, c'est que leur ceiling est moins haut. Ils peuvent pas exploser chacun de leurs bords, tu sais. Fait qu'ils ne pourront pas compenser pour ton problème de running back. C'est pour ça que je pense que c'est dans le mal. Greg Olsen s'est blessé. Bye, fini. T'as ramassé Tyler Eifert. Donc, je sais pas. Puis, t'as personne de bon à soigner dans ton flex. T'sais, Burkhead, 7,5. C'est dur de compter sur un running back de New England. Puis, en tout cas, je pense. Ces deux équipes-là ont des problèmes. Puis, c'est pour ça qu'ils ont fini avec du low scoring. Là. Il y a des situations qui m'inquiètent. T'sais, tantôt, je disais pas overreact week 1, mais. Il y a des problèmes évidents là, comme l'usage d'un running back. Ça peut être un red flag. Puis comme je te dis, McCoy, son équipe, c'est un red flag. L'usage de Kareem Hunt, c'est un red flag. L'usage d'Alex Collins, c'est un red flag. L'usage d'Amari Cooper, c'est un red flag. Puis l'usage de Evan Engram, qui était quatrième dans son équipe en target après Beckham, Barkley puis Shepard. Ça, c'est un red flag aussi. Puis l'usage de Devonta Freeman. Ces deux gars-là, il y a des problèmes. L'autre match-up, ben, je m'en suis fait coller, c'est une, mais t'sais, j'ai starté Nick Foles, un petit peu pour les memes. J'aurais dans les 70, j'avais starté un vrai QB. L'affaire, c'est que pendant la semaine, au début de la semaine, il disait le Bell est toujours pas revenu, j'étais comme. Puis moi, je voulais pas dropper Ronald Jones des Bucks. Fait que j'avais personne à dropper. Fait que là, j'ai dit, hey, Xav, va pogner Connor pour faire chier Marlo, tu sais. Puis là, il l'a fait, puis là, j'étais comme, alright. Mais là, tu sais, je jouais contre Xav. Là, les semaines ont avancé. Là, Bell s'est pas présenté. Puis là, ils ont dit que Connor startait. Puis là, Xav a mis Connor à son flex. J'ai fait, là, tabarnak. Fait que je savais un petit peu que j'allais manger une crise, là. C'est peu pour ça que j'ai mis Nick Foles. Mais, puis là, tu me dis, t'es genre, Ben, genre, t'es le lowest scoring team, t'es dans la merde. C'est à quoi je vais répondre pas vraiment. Oui, j'ai des problèmes, mais tu sais, semaine prochaine, je vais pas starter Nick Foles. À la date, je m'aligne pour starter Jimmy G. Il devrait faire plus que 4,5. C'est ma prédiction. Zeke, parce que les Panthers ont le meilleur front 7. Tu sais, il a quand même fait 16 points. Puis son équipe a perdu 16-8. Mais je suis pas inquiet pour Zeke. McCaffrey. T'sais, il était tout le temps sur le terrain, il a eu le highest snap count de sa carrière. Et c'était lui, au goal line, c'était lui qui était là, même s'il n'a pas fait de touchdown. Il reçoit beaucoup de passes, c'est valuable pour half PPR. Puis il est quand même beaucoup utilisé au sol. Moi, j'ai Elliott et McCaffrey, je suis pas inquiet. Même en fait, pour Jarvis Landry, il y a un shit ton de targets. J'essaie de checker combien de... Il a busté 100 verges. Il a eu 15 targets, Jarvis Landry. Je suis pas inquiet pour lui non plus. Mais en fait, T.Y. Hilton. Il y a eu un touchdown. Moi, je pense que lui et Andrew Luck, avec ça, je suis en business. Le problème, c'est que là, Jimmy Graham, ça a l'air que cette année, ça va encore être touchdown ou suce des graines. Fait que là, j'ai ramassé George Kittle. Que je pense qu'il va être plus constant. Je vais starter Kittle puis je vais voir ce que ça va donner. Je vais garder Graham pareil parce que j'ai investi comme un choix de 6e ronde. Pas juste le dropper de même. Puis je pense qu'il y a de la valeur, surtout les Titans qui se blessent. Puis je veux dire, quand il peut avoir des grosses games, Graham. Là. Il peut avoir des games à deux touchdowns faciles. Puis ouais, là, Derrick Henry, ça m'a chié dans les mains. Là. Je sais pas trop quoi faire avec. Je sais pas si Mariota est blessé ou pas. Fait que je vais le garder. Là, tu sais, Marlowe a droppé Chris Thompson. Fait que je vais prendre swing Chris Thompson dans mon flex. Sauf Cooper Kupp. Cooper Kupp qui a fait 15 points quand même là, hier. Sinon, Jeremy Hill, le running back des Pats, s'est blessé. Je pense que Sonny Michel va commencer à avoir un gros rôle. Je hold sur Michel et Henry. Puis j'espère qu'ils vont avoir leur opportunité. Moi, je suis pas inquiet pour mon équipe. Oui, je me suis fait laver cette semaine. C'est bon. Mais je me vois encore comme une des meilleures équipes dans la ligue. Je vais faire mes power rankings tantôt là, mais je suis pas inquiet, je suis 0-1, je passe à la semaine prochaine. Là, les Sinners, Xav, il y a Russell Wilson, Melvin Gordon, Dalvin Cook, Keenan Allen, Jordan Reed, James Conner. Cette équipe-là va être dure à battre tant que Bell ne revient pas avec les Steelers. Si pour avoir James Conner en flex à chaque semaine, si Jordan Reed pourrait être en santé, c'est sûr que t'sais, avoir Gordon et Allen, ça limite le upside, mais c'est deux excellents joueurs dans une bonne attaque. Cook, il est impliqué. Russell Wilson, il court. Là, il va falloir qu'il swing. Il y a peut-être peut-être un problème de deuxième wide receiver, mais tu peux swing n'importe qui. De wide receiver, c'est moins problématique que running back. Les Sinners vont être durs à battre tant que Connor est le seul running back à Pittsburgh. Il y a eu 100% des touches. Ça arrive plus, ça. C'est 100% du temps qu'un running back des Steelers a touché au ballon, c'était James Connor. C'est cave, là. Je pense qu'il n'y a aucune autre situation. C'est que peut-être à Dallas avec Zeke. Mais sinon, tu sais, même Gordon, il y a Eckler, Cook et Murray, McCaffrey, Anderson, tous les autres running backs. Même aux Rams, tu vois hier Malcolm Brown, une couple de carries. Fait, non, c'est câble, James Conner, toutes les carries à Pittsburgh. Fait, tant que ça va être lui starter, les Sinners vont être un problème. Je ne joue plus contre eux de l'année, fait que bon débarras. Arrangez-vous avec les autres. Dernier match-up, hey, le gros qui a cassé une volée à argent et votre ethnique. Fait que Dédé, son équipe qui a explosé, Drew Brees 32 points. J'ai dit ça arrivera pas à chaque semaine, là, mais gars, c'est chill. Joe Mixon, une bonne semaine. Moi, j'aimais beaucoup Joe Mixon au draft. Je pense qu'il va être solide. Barkley qui a pas une grosse journée, mais qui a eu sa grosse course. Finalement, il a une excellente semaine. Demaryius Thomas, une grosse semaine. AJ Green, grosse semaine. Trey Burton n'était pas. Peut-être inquiet pour Trey Burton, puis Michael Crabtree qui a réussi à attraper un touchdown. Hey, wow. T'as ramassé Jackson puis Cobb, mais ça, ils vont pas avoir des semaines de 25 points comme ça. Kirk, une bonne semaine. Brandon Cooks. Cette équipe-là est bonne, mais a zéro profondeur. C'est une bonne équipe juste avec les starters. Mettons McCook à la place de Crabtree, parce que je pense pas que Crabtree va une grosse année. C'est un problème de tight end, mais sinon, c'est une équipe solide. Le Mixon Green Stack, ça limite le upside, mais c'est un blessé, puis cette équipe-là est finie. Ou pendant les bails, il va avoir des problèmes. Quand ces joueurs vont avoir des bails, à part les QB, ça va être dur. Donc, c'est une bonne équipe. Ils ont eu une grosse semaine, félicitations, mais j'ai encore mes réserves. Un gars blessé, puis ça va dans la toilette. Puis argent et votre technique, c'est peut-être le temps de sonner l'alarme avec Fournette. C'est arrivé souvent l'an passé. Là, ils disent qu'il est correct, mais il se blesse souvent, souvent, souvent. C'est des petites blessures, mais tu sais, ça sort des games, c'est pas bon. Parce que là, il a gamblé sur. Il a pris Mark Ingram. Mark Ingram revient juste la cinquième semaine. Pendant ce temps-là, est-ce que un Fournette à Moshé, puis Kenyon Drake, puis Dion Lewis vont pouvoir tenir le fort? Ça va peut-être être un problème, tu sais. Hopkins, puis Thielen, c'est un excellent duo, c'est bon, je suis pas inquiet. Kelce, il va se reprendre. Je pense qu'il va se reprendre. Mais. Peut-être que les running backs vont écouter une coupe de win en attendant qu'Ingram revienne. Là, ça se peut que ce soit un problème. Donc, je serais un petit peu inquiet pour argent et votre technique. Ah. Bon, c'était ça pour mon recap. Je vais dire mes power rankings. Après ça, je vais juste preview un petit peu les match-ups de la semaine 2. Et je vais vous laisser après, là. Donc, power ranking. Let's go. No, numéro 10, Paris El Potato. J'en ai, t'sais, vous savez, j'ai parlé de chaque, je viens de parler de chaque équipe, vous savez comment je me sens. Un problème de running back, des receivers qui sont bons, mais qui peuvent pas, t'sais, dès qu'ils sont dans la même équipe, qui ne peuvent pas compenser. Plus de tight end, pas de flex. J'ai bien de la misère à bien dans cette équipe-là. Fait que numéro 10, Pariel Potato. Numéro 9, Los Pogos. Meilleur receiver de la ligue. Gros problème de running back. Il va falloir qu'il trouve une solution. Parce que si Bell revient pas, cette équipe-là ne pourra probablement pas faire les séries. Donc, non, c'est ça. Ne pas que Los Pogos prend une grosse drop de 2 à 9. Mais c'est ça qui arrive quand ton first round pick ne se présente pas. Donc, puis l'affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur à running back parce qu'il a gamblé sur le fait que Bell serait là et Bell n'est pas là. Donc, 9e place sur Spogos. Et Tyreek Hill ne fera pas 30 points chaque semaine. Je suis désolé, c'est comme ça. Il va avoir des bonnes semaines, mais les équipes vont commencer à game plan pour lui. Puis c'est pas vrai qu'il va toujours être. Faut toujours faire autant de points. 8e, j'ai mis argent et vote ethnique. Comme j'ai dit tantôt, prime de running back, pas d'Ingram avant week 5, Fournette blessé, ça va être un problème. C'est pas aussi grave que les deux autres équipes, mais ça va être un problème. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment la blessure et la santé de Fournette qui m'inquiète. C'est pour ça qu'il drop à numéro 8. Numéro 7. Écoute, je pense que je suis beaucoup meilleur que la 7e meilleure équipe dans la ligue. Mais la réalité, c'est que je me suis pété la gueule la première semaine. Donc, je peux pas me mettre en haut de la 7e position. Mais comme j'ai dit tantôt, moi, je suis pas inquiet pour mon roster. Elliott McCaffrey, ils vont être corrects. Hilton Landry aussi. J'ai starté un bon QB dans les prochaines semaines. Inquiétez-vous pas. Puis je pense que je suis loin de m'avouer vaincu. Donc, mais je me mets 7e parce que si je mettais plus haut, ça allait chialer, je suis sûr. Donc c'est ça, numéro 6, Mofo. Félicitations pour la victoire. Je trosse quand même pas l'équipe. C'est des running backs qui dépendent des touchdowns pour avoir des bonnes semaines. QB, rien à dire. Julio, rien à dire. Hurts, rien à dire. Mais moi, Golden Tate, il est sketch. J'y fais pas confiance. Et cette équipe-là n'a personne qui a de l'allure à mettre dans son flex. Donc, 6e place. Fumofo qui est 1 et 1-0. Mais, comme je te dis, je ne truste pas cette équipe. Je maintiens mes accusations dans mon power ranking de week 1. Mais félicitations pour la victoire, Romain. Sérieux, good job, là. 5, Team A le gros. Je l'ai dit, j'ai haï la profondeur de cette équipe-là. Ils ont des bons starters, mais en arrière, à part Brandon Cooks, il n'y a rien. Donc, avec les buys, ça va faire des problèmes. Quant au troisième running back, c'est Tavius Murray. Non. Mais là, grosse semaine, grosse victoire, félicitations. A le gros sont 1-0. Quatrième place, Flying Pelicans. J'ai fait part de mes inquiétudes tantôt. Je les ai mis numéro 1 la semaine passée. Mais là, il y a des problèmes. Là. Cooper, il y a des problèmes. Collins, il y a des problèmes. Freeman, il y a des problèmes. Ingram, il y a des problèmes. C'est Todd Gurley, mais j'ai des difficultés avec ce starting. Avec ces starters-là. Peut-être qu'ils vont rebondir, je sais pas, peut-être que Cooper aura une grosse game la semaine prochaine. Mais c'est sûr que j'ai drop au moins de 3 positions. Numéro 3, Oshaga Junkies. Ça peut sonner bizarre que j'ai mis 3e meilleure équipe malgré une défaite. Mais ils ont fait 95 points. Et je pense que leur starting lineup est assez solide. De deuxième wide receiver, j'ai des questions. Le tight end, j'ai des questions. Je pense pas que Jerry Cook va pouvoir faire ça chaque semaine. Je pense que Rudolph va avoir beaucoup de targets. Et je me pose des questions sur le flex aussi. Mais comme je dis, avoir Thomas, Howard et Johnson, c'est un high floor, même si le ceiling est peut-être pas élevé que certaines autres, aussi élevé que certaines autres équipes. 2, je mets Sophisticated Sex Robot. Je parais toujours pas totalement in. J'ai des problèmes avec Royce Freeman, deuxième running back. Kamara fera pas 40 points chaque semaine. Ça, c'était sa semaine. Profite-en pendant qu'il l'a fait. Je pense pas que je suis pas impressionné par aucune des options pour le flex. Mais avoir Adams, Gronk, puis Kamara, C'est un bon core, puis c'est une équipe qui devrait être solide. Et numéro 1, ben, je l'ai un peu vendu d'avance, mais tant qu'ils auront James Conner, les Steelers seront probablement numéro 1 dans mon power ranking. Parce que le Gordon, Cook, Allen, puis Conner, puis Reed, puis Russell Wilson, puis un autre joueur, c'est le meilleur line-up dans la ligue en ce moment. Donc, c'est ça pour les power rankings. Sinners, numéro 1, avoir été numéro 5 la semaine passée. On dit à combien de temps, moi, là? Une demi-heure? Juste finir, je vais jeter un coup d'œil au match-up de la deuxième semaine. Moi, je suis contre les Pélicans. Je suis confiant pour ce match-up-là. Elliott contre les Giants. Jimmy G contre les Lions. McCaffrey à Atlanta. Hilton à Washington, ça je sais pas, faut que je check. Landry à Nouvelle-Orléans, si la défense joue comme la semaine passée, il va avoir 6 touchdowns. George Kittle à Détroit, comme je dis, je suis confiant avec George Kittle. Et je pense que pour l'instant, j'ai décidé de mettre Chris Thompson dans mon flex. Je pense qu'Alex Smith l'aime beaucoup. Parce que Derrick Henry m'a pas inspiré confiance. Et ouais, je pourrais mettre Cooper Kupp, mais j'ai mieux le upside de Chris Thompson pour le moment. Deshaun Watson et Tennessee pour les Pelicans, ça va être bon. Crowell à Miami pour avoir une grosse semaine. Écoute, ils ont donné beaucoup de points running back des Titans la semaine passée. Gurley à Arizona, c'est vraiment l'affaire qui me fait peur, là. Ça va être une volée, ça, là. Puis je pense que les Rams vont courir beaucoup. Gurley, j'ai pas vraiment peur qu'il y ait une très très grosse semaine. Mais je pense être capable de overcome ça. Evans à Philly, je crois. Evans contre les Eagles, je pense pas que c'est le meilleur des match-ups. Même affaire pour Cooper à Denver, Evan Ingram à Dallas non plus, et Devonta Freeman contre les Panthers, qui ont les meilleurs front seven de la ligue, je ne projette pas une énorme quantité de points. Ça devrait être serré, mais moi je me vois l'emporter. Ben, je me vois toujours l'emporter, mais honnêtement, je crois vraiment en mes chances cette semaine. Los Pogos à Oshtaga Junkies. Mahomes à Pitt, ça c'est bon. Johnson à LA, ça va peut-être être du rattrapage. Howard contre les Seahawks en Monday Night, j'aime. Thomas contre les Browns, j'aime. Galladay à San Francisco, ouais, ok. C'est un start. Cook à Denver, hein. Peterson contre les Colts, j'aime. L'autre coup, qui m'appelle? Attendez 2 secondes. Allô? Ça va bien, toi? T'es live, là. Ah, je suis live sur le podcast? Ouais. Je me doutais bien de ça. Ouais. Écoute, Redskins, personne n'en parle, là, mais. Les cards sont poches. Pourris que le monde pense. Les cards sont. Les cards sont poches, effectivement, mais les Cowboys sont pourris. Les Giants sont pas si top que ça. Les Eagles n'ont rien démontré à date. C'est vrai, c'est vrai. Le reste de la division n'a pas une super semaine. Effectivement, effectivement. Ouais, tu vas faire un gros trade à Monette tantôt. Il a dit. Ouais, il a dit non. Je vais le regretter parce que Hopkins est un boss cette année. Ah, ok. C'est pas une opinion que je suis nécessairement d'accord avec, là, mais. Non, génial. Ah, sinon, non, c'est ça, pas mal de trade talk aujourd'hui. Ouais, ça que tu m'as dit. Ouais. La blessure de Baldwin fait mal. Mais bon. Michael Thomas, il est fort en tabarouette. Ouais, j'ai fait part de là, j'étais à la fin, anyway, du podcast. Hein, j'ai fait part de mon opinion que tu sais, t'as le problème de wide receiver, mais à part ça, c'est Johnson, Howard, puis Thomas, c'est un bon corps, là. Non, c'est ça. Puis actuellement, son équipe, c'est la pure marde. Il était très, très chanceux d'avoir 132 points. Hein. J'irais peut-être pas juste dire que c'est de la marde, mais Kamara, il aura pas de. Il y a quoi? Il y a Alvin Kamara qui a fait bien, mais quand le gars va venir, il va perdre des touches. Sinon, il y a. C'est White. Il y a Gronk qui est bon, mais à part ça. Il y a Devante Adams. Ouais, Devante. T'sais, il y a Adams, Gronk, Kamara. C'est bon, mais son deuxième running back, j'y crois pas. Puis Rivers sera pas 30 points chaque semaine. Effectivement. Marlowe est dans Marlowe. Marlowe est dans le jus. Ouais, Marlowe. Ça, j'ai sonné l'alarme en esti. Ouais, non, il y a de la misère, là. Non, c'est ça. Non, Monette, c'est correct. Ben. Il manque, il y a pas tant de running back, hein. C'est pour ça que je voulais filer Howard. Ouais, si Fournette se blesse, il est dans le trouble. Mais je me suis rendu compte que si il me donnait Hopkins, il perdait. Thielen devenait son number one. Donc, ouais. Puis toi, mon Ben. Moi, je suis. Moi, c'est la première semaine, la première fois, dans le fond, que. Après week 1, je suis pas énervé vraiment. Quand j'ai vu James Conner dans son flex, j'ai dit ouais, c'est sûr, je vais perdre. Fait que. moi, c'est vraiment. Moi, c'est. J'ai viens de finir les power rankings, j'ai mis Sinners numéro 1. Qui t'as mis premier? J'ai mis Xav. Xav, premier. Ben, tant que Conner dans son flex, je pense qu'il y a la meilleure équipe. Ouais, alors c'est vrai que. Dans son flex, c'est fort. Moi, je stock ma home cette semaine. Ouais. Parce que Tom est pogné à Jacksonville. Ouais, je serais. Ouais, bon choix. Puis je mets puis eux, c'est dans flex. Ouais. Okay, ouais, non, contre les Colts, c'est sûr. Hein. C'est ça. Sinon, le reste, rien de spécial. Ok. Jim Barber va être bon. Ben écoute, j'ai juste fini mes. Ouais, c'est ça, j'ai dit, je vais pas parler pendant 3 heures. Non, ben, je finis ça, les prédictions. Je suis en train de prédire Pogos contre Junkie, justement. Fait que Miller puis Morris contre Johnson puis Howard, t'as l'avantage. Mahomes contre Newton, avantage Newton, mettons. Beckham puis Diggs contre Thomas puis Galladay, avantage Malo. Jack Doyle contre Jared Cook, je veux dire la même affaire. Puis Hill contre Peterson, à peu près la même affaire aussi. Peut-être avantage à Hill. Fait que moi je pense que tu vas gagner à cause de tes running backs. Ouais. Fait que j'avais parlé de mon match-up contre Simon. Là c'est Sinners contre Taylor Gros. Ben Sinners devrait gagner là. Ouais. Donc c'est Bixon, Barkley c'est bon. Mais Demaryius Thomas, Trey Burton, Michael Crabtree contre James Conner. Keenan, Corey Davis, puis genre. Puis Jordan Reed, non. Puis le reste à peu près. Puis le reste à peu près égal. Oui, Jordan Reed est en santé. On sait pas combien de temps ça va durer. Fait que, avantage chez Nurse. Après ça, Anctil contre mon petit cousin. T'es probable. Ouais. Non, Anctil, je pense qu'il va gagner encore. Qui va penser qu'il connaît tout dans le football parce qu'il gagne. Non, je sais, c'est pas parce que Camara fait 40 points que tu connais qu'au foot, mais je pense qu'il va quand même battre mon cousin parce que mon cousin il a la pire équipe. Ah, il a donné dans Power Ranking? Ben ouais, j'ai McCoy pis Kareem Hunt. Ouais. Il y a Antonio Brown pis Juju, mais l'affaire c'est que les deux peuvent pas avoir une grosse game chacun de leur bord. Fait que. Vu qu'ils sont dans la même équipe, pis son flex c'est comme Rex Burkhead là. Ouais. Non, je mets davantage en Anctil ici, même si son deuxième running back j'aime pas, son flex j'aime pas. Puis je suis. Qui est dans le flex, non? L'instant, il y a Aguilar. Ouais. Puis je suis effi sur Larry Fitzgerald, il est correct. Ah, tantôt, il a essayé de m'échanger, il m'a dit Royce Freeman puis Fitzgerald contre Howard puis Kerryon Johnson. Ah, il veut Kerryon Johnson, hein? J'ai été très tenté par ce trade. Mais tu peux pas donner Howard contre Royce Freeman, là. C'est câble, là. J'essaie de fourrer Romain aujourd'hui, ça a pas fonctionné. Ah ouais? J'ai dit, je te donne Howard contre Julio Jones. Ouais, ben j'ai... Parce que moi, il m'a demandé si... tu sais, il est intéressé à McCaffrey. Je suis comme, moi, je peux pas échanger McCaffrey. Ben, à moins que tu me donnes comme Julio Jones, là. Ben, il y a juste ça à donner vraiment. Ben, c'est ça, tu sais. Peut-être je ferais un swap, pis je ferais McCaffrey, pis Hilton contre, mettons, Jones, pis Ajayi. Ça, peut-être, je le considérerais. Ouais. Mais... Ben, un one-for-one, c'est pas vraiment, parce que... Il y a juste Studio qui nous intéresse, pis lui, il va pas l'échanger. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je l'aime pas tant, cette équipe-là, là. Fait. Non, c'est ça. Puis, ouais, ben parlant de Romain, je pense qu'il va perdre contre Monette. J'aime mieux René. Ouais, à Lynch puis Ajayi contre Drake puis Fournette, c'est égal. J'aime mieux Hopkins puis Thielen que Tate puis Jones. Zachert Kelsey, c'est égal. Puis Lewis Amendola. J'aime mieux Dion Lewis. Fait que. Il y a une bonne game Dion Lewis. Hein? Il y a eu une bonne game Dion Lewis. Ouais, ouais, c'est ça. Non, surtout pas Derrick Henry qui a une bonne game. Que... Fait que c'est ça. Fait que ça c'est les match-up pour week 2. Fait que bon, ça fait déjà 40 minutes que le podcast est commencé. Fait que je vais finir le podcast. Fait que tu dis bye au monde, Vince. Bye tout le monde. Bye. Oh, oh fuck les Redskins. Ouais, c'est des grosses games à 1h en fin de semaine. Ah, il faut Charlotte Xav, j'ai changé mon nom d'équipe. J'ai mis juste Oshaga Junkie. Ah, c'est bon. J'ai enlevé de Goose. Des grosses games dimanche à 1h, Packers Vikings. Moi je veux voir Saints Browns. Ouais, toi tu veux voir Skins Colts. Puis quel autre? Il y en avait une autre intéressante là. Mais honnêtement, en fait, semaine, c'est genre l'ouragan là, dans cette région là. Fait que. Je sais qu'il y a une couple de games de collégiales qui ont été cancellées samedi. Sérieux? Ouais, ouais. Je sais que Virginia Tech qui ont été cancellées contre East Carolina. Mais bon, je pense que ça va être grave pour dimanche. Là. Ouais. Je sais que. Washington is under emergency, state of emergency. Ah, oh, c'est ça, Caroline-Atlanta. Ok, ouais. Ça, c'est une bonne game. Anyway. C'est ça, fait que... Je finis le podcast. 3, 2, 1, ciao.